l'émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial MZ. C'est parti pour une nouvelle soirée avec la MZ au grand complet. Comment ça va, messieurs? Ça va et toi? Ça va, en pleine forme? C'est cool. Bien, vous avez profité du soleil aujourd'hui. Ouais. Ça ressemble à quoi d'ailleurs une journée de la MZ? En ce moment. En ce moment? Ouais. En top, fonce dé, lune de fiel. C'est comme le dit le morceau Lune de fiel. Voilà, c'est ça. D'accord. En top, fonce dé, lune de fiel. Pas mal. C'est un bon programme. Ouais. Et au programme de ce soir de Planète Rap, que va-t-il se passer? Ah, ce soir, on t'a ramené, tu vois. On a encore des invités, tu vois. Les grands rappeurs. Mm-hmm. Les légendes vivantes du rap français. Au complet aussi. Au complet, ils sont là au complet. On t'a ramené ça, la source. Tu vois. Les bites de boule, vraiment. Les sages-peaux. Les sages-peaux qui sont là au grand complet. En effet, Zoxy, comment va? Ça va très bien. En pleine forme, ça y est, t'es en mode été là, hein, t'es bien là. Ouais, un petit rayon de soleil. Un petit rayon de soleil, ça y est. Les couleurs sont sorties. Ouais. Mélophilo est là aussi. Ouais, ça va, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Et le grand Danny Dan est avec nous aussi. Yo, code neuf, ma part. À la régulière, yo. Ça va? Yo, mon roux. En pleine forme? Mm-hmm. Alors, ce petit jeune, bien? Pire encore? C'est. You make it the base. Bon, on vous écoutera peut-être rapper. Il y aura du live ce soir ou pas, messieurs? Non, t'as ramené un inédit. Ouais. Ah? On t'a ramené un inédit. Qui s'appelle? Boulot. Goulot. C'est comme Goulot. Kalina, c'est une nouvelle expression qu'ils amènent. Ouais, parce que MZ, en fait, ils sont très dans les nouvelles tendances. Bah, comme vous aviez lancé Pozoisé. Voilà, exactement. Ouais, c'est compris. Comme exactement. À la grande époque. C'est ça. Mm-hmm. Et donc, ils ont fait Robert Kalina et là, ils vont faire Goulot. Goulot. Goulot à la base. Mais c'est Goulot. À la base, Goulot, ça veut dire chien, Anjoula. Tu vois, une ethnie. Et nous, on a gardé le chien, mais on va vous expliquer comment on voit ces chiens. Très bien, et ben on découvrira donc en live tout à l'heure avant 21h. Voilà. Vos messages avec l'hashtag MZ sur Skyrock. Et bah, comme chaque soir, on débute avec le fameux Lune de Fiel. Ouais. Allez, une dédicace à Cédric le Belge. Bien vu. Cédric le Belge aussi. Yeah. Te pointe pas en retard, arrive pour 21h. Yeah. Allez, les supporters. Yo, connais Buzz là. MZ. MZ. De la zep, de la cheese dans la pochon. Yeah. Des bad bitch très alléchants. Mes gravats seront désagréables. Ils croient ta soirée, tu commences à jouer à la meuf chiant. Ah. Écoute ma belle, on est toujours direct dans nos propos. Chic, tu fumes pas la mytho. Tu dis, tu me suis un bédo. Ah. Avant que je te mette ta part, enlève-moi tout le nœud que j'ai dans le dos. Ah. Tu sais, je suis pas là pour jacquer. Je veux juste te fumer. Ton crâne, une taille de jacquer. Dans mon délire, je suis foncé. Le voisinage. On va crier toute la soirée. Par contre, tu casses tout le dernier quand tu veux faire, tu sais. Et je t'attends. MZ officiel sur Facebook. @ MZ Group sur Twitter. MZ Group sur Instagram. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. On fera rien bien méchant, on va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. Non, la charia, jamais. Baiser, toujours, tu connais. D'abord, tu vas me branler. Et nous, ouais, Marlo. Même pas de me suster. Ouais, t'inquiète, tu vas kiffer. Ok. Viens avec des copines. Je serai avec Joe et Pim sur Radio. Wesh, Ashiro. Ashiro, D1, Raf, c'est comment? Votre vie sans doute, bébé. Vous serez plus en chaleur qu'en août. Pour le rap, pour le sexe, t'as confiance en nous. Donc vous viendrez comme des chaînes en loup. On sera sous pillage. Je sais que t'aimes sa coquine. Une soirée inoubliable que tu raconteras à ta fille. Bébé, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix. Passez une bonne lune de fiel, ça se passe sur MZ officiel sur Facebook, @MZGroup sur Twitter, MZ Group sur Instagram. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien bien, mais ça va bien alors. Fumer, teaser, baiser ou quoi? Fumé, tease et baise. Rentre dans la chambre, va fumer, tease et baise. Je veux juste chicher, tease et prendre du plaisir. J'emmerde ma conscience, ma santé, j'ai du désir. Je veux que tu sois ma salope, poilie et ta bouche, la meilleure conseillère de mon zizi. Je suis fou, mais tu t'en fous, je suis pas ton mec, ni ton ex, ni ton futur, juste ton meilleur coup. Je te monte dans l'air sans jamais que t'atterris. Je veux la baiser sans le besoin de dire bébé. Et elle veut me baiser jusqu'à ce que je crie, mais il est présent dans tes zones érogènes où j'en sais runo. Ouais, je t'ache le perse, c'est comment? Mon avec un plus gros dos, je m'en bats les couilles, c'est pas de ma peau. Bébé, je lui fonce des. Rejoins-moi, accroche-toi car le 7ème ciel n'est pas loin. Ce soir, sois ma 8 neige, tête, ton beau pif, fume mon tison baison toute la nuit. Vis cette nuit comme la dernière de ta vie, mouille les draps du lit, crie, réveille toute la ville, je sens ton cœur qui va vite. Tes paupières palpitent, t'es tombé accro à moi. J'ai ton héroïne. Ce soir, rien ne sert de trop parler. Consomme-moi jusqu'à l'overdose. Tout ce qui se passe dans cette piole reste dans cette piole. Le vrai négro fait vraie chose. Bébé, je t'attends. Non, mais compris ou pas, la team MZ? C'est sur MZ officiel sur Facebook, @MZGroup sur Twitter. Ouais, dédicace à Antoine de Rocka. Allez voir le clip sur la chaîne YouTube de MZ. Magnifique. Fait par Mouchi. Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. Fumé, tease et baise. Rentre dans la chambre, on va fumer, tease et baise. Bébé, j't'attends. Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. On fera rien bien méchant. On va juste fumer, tease et baise. Dédicace à Equinox, à Mallory qui a mis le feu hier. Au freestyle MZ. Fumé, tease et baise, qu'est-ce que t'attends? Suis le son de ma voix. Ouais, la frégate, la frégate. Davidson. Le morceau s'appelle Lune de Fiel, il est sur le projet MZ Music Volume 3. C'est dans les bacs, on peut le commander aussi et le télécharger légalement. Voilà, sur iTunes. Même illégalement. Ah bon? Bah, enfin, ce que je veux dire, sur c'est. Que... Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, MZ, ils ont été aussi révélés par les gens sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grosse communauté, il y a plein de gens qui les suivent, qui les follow. Voilà. Donc, c'est des gens qui n'ont pas spécialement aussi les moyens de télécharger ou qui n'ont pas spécialement iTunes ou qui n'ont pas encore capté le délire. Mais c'est des gens qui soutiennent et ces gens-là, faut aussi les remercier parce qu'ils font partie de l'aventure MZ. Bon, donc, voilà. Très bien. Mais c'est vrai, en même temps, est-ce que vous avez parlé d'ailleurs avec Zoxy, avec Mélophilo, peut-être avec Danny Dan aussi, de l'époque, quand eux, ils ont débuté justement, quand ils avaient le groupe Les Sages Peaux, comment on pouvait parler de sa musique, comment on devait se faire connaître par les mixtapes, par les concerts, par les featuring? Ça devait être plus compliqué déjà. Il n'y avait pas le biais, c'était pas. Nous, c'est plus facile pour nous avec par le biais d'Internet en fait. Tu fais un clip, tu te postes sur Internet. À une époque, c'était tu faisais un clip et il fallait qu'il passe à la télé ou. Ah, tu le regardes comment? Ce qui est bien, c'est qu'en fait aussi MZ, ils ont une grosse culture aussi du rap d'avant. Je veux dire, c'est vraiment des gens qui sont vraiment dans l'air du temps, dans le rap de maintenant. Mais ils n'oublient pas l'histoire. Ouais, ils n'oublient pas l'histoire. Et c'est important aussi. Voilà, tout simplement. Vous avez parlé un petit peu justement de l'époque où on faisait du rap sans Internet à l'époque. Non. Ouais, mais tu sais, les techniques de promotion, elles sont les mêmes en fait. Tu vois qu'aujourd'hui même, tout ce qui est street marketing, c'est un peu remplacé aussi par Internet, mais c'est sensiblement les mêmes choses. Ouais, à l'époque, il fallait mettre les stickers, exactement. À les coller partout. Voilà. Et nous, maintenant, c'est sur le bitume. C'est ceux qui marchent sur Paris, ils ont certainement vu MZ Music sur le sol. Hein. C'est vrai qu'il y en a un peu partout. Ouais. Ah, tu l'as vu? Bah, j'ai vu. Ah, ouais, même sur ta table, là. Avec le Facebook MZ officiel, le Twitter MZ Group et l'Instagram MZ Group pour mes Instagram. Donc, tu l'as vu et c'est maintenant que tu nous invites, quoi. Ah, tu reviens encore là-dessus. C'est ça le truc. C'est une façon de te remercier en fait. Oui, j'ai vu, depuis des semaines, bah, putain, il me remercie beaucoup. Hein. Bon, MZ, ce soir, donc il y aura un titre inédit qu'on va découvrir dans quelques minutes, que vous allez faire en live, c'est ça hein. Ouais, Woulou. Woulou. à découvrir. Qu'est-ce qu'on va passer ce soir? Alors le morceau qui a été le plus demandé, je sais pas si vous voulez le mettre, mais parmi les internautes, les auditeurs de Skyrock et sur justement sur les réseaux sociaux de Skyrock, c'est le morceau Bratata. Bratata, je vous l'indique celui-là déjà. Mais il a été redemandé. C'est énorme, c'est normal. Ouais, il y a pas de souci. C'est normal. Et ben on le remettra. Sinon, qu'est-ce qu'on met maintenant? Bah écoute, on peut mettre Forfait. C'est justement une collaboration de Sage Po avec MZ. Rencontre de deux générations. Exactement. Issu du MZ Music Volume 2. Ouais. Allez, c'est parti, on l'écoute maintenant. C'est extrait d'MZ Music Forfait. Volume 2. Forfait. On dédicace à Danny Dan. Yeah. Ta meuf fait son putain de boule dans la chambre à Jock Pololo. Stylo dans la main droite et la tête tombe de gros lolo. Je veux buter ses négros, mes mélopilomes dédiés à les molos. J'arrête. Et mon ange de gauche prend scalé, ouais, lyrical, coup de tête, balayette. Mon flot fini d'une balle dans la tête, ton bien vert. Je vais les exciser et faire hurler les muettes. Mon cœur part pour la MZ, mais de la rue, je suis un poète. Faut faire un max de billets, la fin du monde, on y est. Dans les cerveaux, ça tourne par recours, carrément en billets. De moins en moins habillé, dans le seul but de briller. C'est la culture du besoin plus court, et donc l'amour d'hier. J'ai prié pour frères et sœurs, cousins, cousines. Et amis proches, jamais crié pour de la thune. Mes mecs ne touchent pas à mes poches. Dans mes poches. Sinon, tous ces petits refs, c'est qui le mérite. D'amis sont présents qu'à des musiques. L'objectif est la mérite. Le son est fort et pas dans le sac correctement. Décomplexe l'attitude du comportement. Tu lèves les bras si tu as l'air. Sage Poème Z, le tout dans Skyrock. On va faire autrement. Le son est fort et pas dans le sac correctement. Décomplexe l'attitude du comportement. Tu lèves les bras si tu as l'air. Sage Poème Z, de toute manière, on va faire autrement. Et je me pavane sur pas d'un personne dit A ou B. Je réagirais sur le C pour te passer sous le nez. Je me parle pas de la conçue qui s'accouple. L'union fait la force. On peut même les fumer avec du Yoplait. Donc on garde la forme. Et juste pour info, je suis soigné par une info. Et des fois, je me souviens que l'OC c'est mon grand défaut. La street tourne en rond, tout en détaillant du carré. Je représente les moches qui critiqueraient même Maria Carré. Je suis en route vers le paradis, je reviens de l'enfer. Je suis différent, mais ma mère dit que je suis bien le fils de mon père. Meilleur compliment du monde. Yeah, ce soir, je suis parti en mode scène. Bouge de la vie, c'est au pire. Des gangsters, ils auraient pu m'assassiner les grands frères. Regarde laser, je suis parti dans la nuit, dans la street, faire ma vie. Sage poète de la rue, Mélophilo, Zoxy et Wam, Danny Dan, Boulogne Billancourt, Panam. Concept bénéfice dans le sou des droits, taillé dans le sou des gauches. Je suis sur chevoute comme les mauvaises herbes sous les roches. Freestyle, chocho, pense pour cette tâche. Pioche la jackpot, comme disait Bobby, si ta caisse ta tête. Hoche la un, c'est l'heure, je m'essouffle, évacue. Je me mange des croches, pas c'est le jeu. Je me prends pas la tête, pour ce j'ai la prose brave. Poustillonne des punch, tos gras. Le son est fort et pas comme ça correctement. Décomplexer l'attitude de comportement. Tu lèves le bras si tu as l'air sage pour MZ. De toute manière, on va faire autrement. Le son est fort et pas comme ça correctement. Ouais, c'est Forfait, c'est MZ. Le volume 2, toujours dans les bacs sur iTunes. Et volume 3 aussi. Aïe aïe aïe. Le Seigneur qui ne m'est pas empêche plus de dormir. Ceux qui ne m'aiment pas, je l'ai encore pire. Genre le métal, c'est si hardcore. Je tire des balles irrigables. MZ, Zinizo, yo, connais. Jusqu'à l'amour, je dirais qu'on est les best rappeurs en live. Sage poème Z, direct. Faut tirer, ouvrez les guillemets grands. Front sensationnel, opérationnel. Forfait flow, transgénérationnel. MZ, maison, l'oiseau, Dazanizi, Zozoxizi. Deux générations de dingue, fais pas faire fou, c'est physique. La concuse pisse dessus, pendant qu'on reste le Z. Ton rappeur va se faire liquider en moins de comme un dit contre Z. Soit t'es avec tout, soit t'es contre nous. Soit c'est bien ton camp, si t'es pas de notre, reviens pas à genoux. Ouais, destin. La grenade qui met jusqu'en perd le sommeil. Mais pour qu'on puisse le stage, pour après le reste, le tu lèves les bras si tu as dansé pour MZ. De toute manière, on va faire autrement. Le son est fort et pas dans ça correctement. Décomplexer l'attitude de comportement. Tu lèves les bras si tu as d'un sage pour MZ. De toute manière, on va faire autrement. Le son est fort et pas dans ça correctement. Décomplexer l'attitude de comportement. Tu lèves les bras si tu as d'un sage pour MZ. Ouais oui, Marco, Benoît, aïe aïe aïe. Le son est fort et pas dans ça correctement. Décomplexer l'attitude de comportement. Tu lèves les bras si tu as d'un sage pour MZ. De toute manière, on va faire autrement. Chuchu Forfait Mélophilo. sache moi de la rue bébé. MZ dans le jazz. La la la. Davidson présente. Y'a des basiques. Twitter MZ Group. Facebook MZ officiel. Instagram MZ Group. Me suivez, c'est du bon. MZ à l'instant avec les sages poètes de la rue sur ce morceau Forfait, c'est sur MZ Music Volume 2. C'est le deuxième qui est toujours dispo qu'on peut trouver. Ouais, c'est celui-ci. Temps. Vous êtes déjà parti de l'aventure qu'a des basiques au moment de. Du volume 2 le volume 2 ouais. Ouais, en fait, c'est là qu'on a, c'est là qu'on a commencé à se mettre ensemble en fait. Avec Davidson. Avec Davidson qu'on a passé lui mais qui est là aussi, hein, toujours là. Toujours là, toujours derrière vous. Ouais. Le boss, il est là. Le boss est là, il est en train de frapper. Il a son petit coin habituel dans le studio, il est là. Stratégique, hein, avec, vous voyez derrière MZ officiel, MZ Twitter. Pour ceux qui ont les images, ouais. C'est sur skyrock.fm avec les sages poètes de la rue. Qu'est-ce qui se passe pour les sages poètes? Est-ce qu'on va avoir un nouvel album ou pour l'instant c'est pas d'actu? En tout cas, surtout beaucoup de concerts. Des shows, on est tout le temps sur scène. Sur toi, Danny Dan, t'as bossé avec Olkinry là, de nouveau. Et quoi de neuf, Jif? Je suppose que tu m'écoutes, quoi de neuf, mon frère? Une dédicace à Olkinry. Et quoi de neuf, Big Up B. Un nouveau projet en commun, justement, pour vous deux. Zouxi. Ouais, voilà, donc pour l'instant, il y a Danny. Nous aussi, on est très très occupés sur le développement de MZ. Ça, je pense, ça devrait pas tarder aussi. On va aller en studio, on va faire des morceaux. Daft Punk style, yes. Mais le fléau, tu veux ajouter un truc? Je te vois te rapprocher près du micro. En fait, ils ont tout dit. Et puis aussi, je voulais souligner que on a profité aussi cette année pour sortir notre catalogue de tout ce qu'on a produit depuis plus de 20 ans en fait. Donc, que ce soit les beats de boue, les trésors enfouis, les sages peaux. Donc c'est en vinyle, c'est en CD, c'est en digital, on se met au goût du jour quoi. Pour tous ceux qui ont loupé l'épisode, ils peuvent aller chercher ça. Tiens les gars de la MZ, dans 20 ans vous imaginez faire quoi? Pareil, passer le relais, produire des gens, toujours rapper. Dans 20 ans, je sais pas, je m'imagine blindé. Je produirai une rappeuse. Dans 20 ans, produire une rappeuse, ouais. Ok. Avant même, je crois. Mais peut-être avant aussi. Hein. Ça va tellement vite les générations. Hein. Mais vous imaginez faire carrière justement dans le rap quand vous avez commencé ou c'était de la passion avant tout? Moi personnellement pas du tout moi, franchement. J'étais déjà sur le foot moi. Pareil pour moi. Ah ouais, foot aussi. Ouais. Moi direct. Hein. Ah moi, ouais, j'ai fait du rap, c'est comme un petit qui va, comme je t'ai expliqué la dernière fois. Un mélomane. Un petit qui joue au foot. Et mercredi il s'entraîne, dimanche il va faire son match. Son rêve c'est quoi, les gars, jouer la Ligue des Champions. Ouais, il kiffe, il est en ligne de mire, il a la Champions League, ouais. Voilà, ben moi. Voir la Coupe du Monde aussi. Voilà. La Coupe du Monde, exactement. Aussi. Il y a un ballon d'or. Ouais. Voilà. Et ben moi, ben, je sortais en partant en studio. Ben, l'objectif ça a toujours été d'être exposé, pouvoir vivre de sa musique, pouvoir sortir. Ma maman de pouvoir sortir de là d'où on vient quoi. Voilà. Et la chose qui s'est ouverte à moi c'est la musique. C'était ça aussi pour vous les sages poètes il y a une vingtaine d'années quand vous avez commencé? Pensiez pouvoir continuer, faire une carrière longue? Nous on a la chance, je pense Dany comme nous, d'avoir des parents qui étaient assez ouverts. En fait eux, ce qu'ils voulaient c'était juste qu'on ait notre bac. C'était important, ouais. Voilà, donc voilà, à partir de ce moment-là où on a plus ou moins honoré leur désir. J'aime le plus ou moins. Il y a eu un bac pour les trois ou quoi? Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il me semble que, tu sais, à chaque époque, sa façon de penser, et il me semble qu'à l'époque, là, j'étais en train de me dire, mais merde, il y a 20 ans, on était, toi et moi, en train de se parler sur cette même table-là ici. Tu sais? Et je crois qu'on a changé de table en toi, Denis, mais j'espère. Mais le lieu est à peu près le même, ouais. Ouais, non, c'est-à-dire que, ouais, à chaque époque, sa façon de penser, et il me semble que c'est à peu près la même chose. Tout le monde est différent, donc chacun son parcours, etc., etc., mais bon, c'est la même envie, en tout cas. C'est genre, à la fin, il s'agit que d'être bon sur le microphone. Non, c'est vrai que vous avez commencé à une époque où il n'y avait pas, en effet, tout ce business de rap qui existe maintenant. C'est ça que tu dis. C'était vraiment de la passion. Enfin, pour certains d'entre vous, il y a eu de la danse aussi. Il y a eu une époque, voilà, il y avait les composantes du hip-hop, quoi, donc avec la danse. Moi, j'ai dansé, j'étais bon, hein, franchement. Avec le tag aussi, le tag qui est tagué parmi vous. J'ai graffé, oui. Voilà, graffé. Danny Graff aussi. Danny, ouais. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'AMZ, en fait, sont aussi c'est des gars super passionnés. Ils aiment tout, ils connaissent tout, tout ce qui se fait dans le rap outre-Atlantique, comme nous à l'époque. Ouais. Nous, à l'époque, c'était plus New York. Aujourd'hui, ça s'est plus déplacé vers le sud, Atlanta. Peut-être etc. que c'est maintenant un peu plus simple pour avoir les sons, parce que c'est vrai qu'à une époque, il fallait attendre que quelqu'un aille à New York, les ramène. Ouais, où il y avait des DJ. Imports, ouais, des imports, ou alors sur les fameuses mixtapes, quoi, sur les fameuses cassettes. Ou, exactement. Ou Cut Killer, des dédicaces aussi. Mmh. C'est ça que je te dis, l'époque était différente. L'époque était différente. Maintenant, t'as même les sons avant qu'ils sortent aux States. Tu les as même en France, ils arrivent avant, comme ça. Avant qu'ils rentrent en studio, les amis. Le son, ouais, c'est ça, en fait. C'est un petit peu ça, ouais. Mais néanmoins, il s'agit que d'MZ, quoi, de neuf. Eh ben MZ, ils sont là avec nous. Qu'est-ce qu'on passera, messieurs, dans un instant, avant de vous écouter en live aussi tout à l'heure? Il y a un morceau inédit à découvrir. Bah, il y a dans le volume 3, il y a un featuring avec Zoxy sur, ouais, sur une prod d'Equinox, mmh, qui s'intitule Nique le rap jeu. Nique le rap jeu, ouais. Pour montrer qu'on nique le rap jeu, quoi. Le titre, il parle de lui-même. Mmh. Ah, qu'est-ce que vous appelez le rap jeu? Le rap jeu, mmh, ben, c'est quoi la définition pour vous du rap jeu? Tu sais, je vais te dire un truc. Nous, dans le rap, tu sais, c'est quoi notre statut, nous? Tu vois, quand tous les MC parlent de concurrence, eh ben, ils parlent de nous. Tu vois, c'est nous. Et nous, on est la concurrence. Toi, quand t'entends concurrence, c'est nous. Eh ben, la concurrence, elle est là, elle vient et dit, ouais, bah non, frère, tu t'es pas plus fort. Je suis peinard, je suis là, je suis au calme. Oui, vous ne considérez pas comme ce qu'on appelle souvent dans le rap la relève, les nouveaux machins, etc. Non, nous on est la concurrence. Quand on est en concurrence, ils parlent de nous. Mais surtout, frère, ce qu'il faut noter, c'est que MZ, c'est vraiment une bande de potes. Ouais, mais... c'est comme nous à l'époque, vraiment, si on fait un peu le parallèle avec Bite de Boule, on était vraiment une bande de potes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont décomplexés, ils s'amusent, ils s'en foutent, ils font vraiment ce qu'ils ont envie. Il ne s'agit que de ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire nique le rap jeu, mais il ne faut pas prendre ça autour. Oui, ben. C'est vraiment. Au micro, on arrache tout. Et puis ça a toujours été le cas dans le rap, mais même d'ailleurs à l'époque des CHPO, ça a toujours été de la concurrence, de la compétition, voilà, compétition avant tout. Exactement. Il y a toujours eu ça. Et aussi quand on dit rap jeu, c'est les têtes d'affiche, hein, c'est les mecs qu'on met en avant. C'est pas. On booste par exemple le rappeur qui essaye de s'en sortir, par exemple qui essaye d'avoir un planète rap, qui habite, je sais pas moi, à Clermont. C'est des mecs quand on parle d'eux, c'est pas d'eux qu'on parle, hein. Mais par exemple, non, vous voulez être dans voilà. C'est de toutes les têtes d'affiche là, tous ceux qui passent, qui viennent, tous ceux qui sont venus s'asseoir ici, qui ont parlé dans le micro. Voilà, tous ceux qui sont venus parler ici, et ben c'est quand on dit nique le rap jeu, et ben qui sont tous visés. Très bien. Bah, le message est passé. On écoutera donc ce morceau qui s'appelle Nick le rap. Bon état d'esprit, hein, n'oublie pas. Mais c'est oui. La compète. C'est la compète, évidemment. Voilà. Et ben, on écoutera ça dans un instant. Bougez pas, c'est sur MZ Music Volume 3 avec la MZ, nos invités. Une. MZ a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est la MZ, nos invités, entre 20h et 20h. Vas-y, hein. On peut être la bouteille des Bélair, Fred. Eh ben, on y va. On y va. C'est la boisson préférée de Rick Ross. La dernière fois, il est venu ici. De quoi? C'est lui qui a affilié à cette boisson. Ouais, je crois, hein. Ouais, ouais. Attends, Zox, ton. Parce que Rick Ross, merde. Oh, oh, toi, je l'ai raté. Mais tu sais où est-ce que Rick Ross, il vient aller chercher à Paris? Non. À TPLS, à avenue du 4 septembre, métro Opéra. Rue du 4 septembre. Ouais. TPLS. De quoi? 29 rue du 4 septembre. 29 rue du 4 septembre, c'est là-bas qu'il va aller chercher. Ah, bah, il va aller chercher là-bas, en tout cas. Ils sont venus jusqu'ici. On boit le champagne dans des gobelets rouges. Il n'y a pas une boutique secrète vers là-bas? Si, j'ai bien l'impression. Béni Bla. Eh ben, merci, en tout cas, Sexon Sevinch. Voilà, c'est l'heure de l'apéro ici dans le studio, à consommer avec modération. Un verre, Fred. Après, tranquillement. Bon, allez. C'est Planet Rap consacré à la MZ. MZ Music Volume 3. Toujours fuck top. Et dans les bacs, on a promis un morceau qui s'appelle Nick le Rap Jeu. Ouais, Nick le Rap Jeu. Avec monsieur Zoxy. Le Rap Jeu. C'est parti. Attends, juste avant ça, Fred. Je voulais dire, placer un big up à Danos, que t'inquiète, quoi qu'il se passe, on sera là pour lui. T'inquiète pas, Danos, mon gars. Marcus Music aussi. Passé. MZ. Aïe. Crack Music. Wesh Vido. Wesh Touf. Wesh Vido. C'est comment, les BG Boys? Hey, Kenza aussi, du 13. Cheche. J'ai baisé ma première meuf à la même époque où j'ai pris le mic avec mes refs. À la même époque où papa a quitté maman, mes sentiments sont morts dans l'œuf. R.I.P. l'amour, j'écris de mon sperme sur des paires de seufs. Avant le rap, une relation avec les filles, c'était du genre Nadia qui teuf. Maintenant je les lèche comme des feuilles, ils m'sucent comme un bonbon positif. Ça pue le sexe dans la maison, ça pue le sexe dans la maison, comme dans le freestyle rempli de joyeux garçons. Moi et eux, c'est un peu comme l'huile et l'eau. Dans leur partouze musicale, tu verras pas Doc Pololo. Des soi-disant experts sont transformés en gros envieux. Voir chuter leur seul vœu, je risque de faire plus dur comme un joint d'eux. Jamais fuck up quand je les fuck au pieu. Genre des phases de ouf, genre fuce-moi avec tes seins, bitch, rends-moi avec ta bouche. Oh. En rebas MZ Group sur Twitter, MZ officiel sur Facebook, Quoi Neuf Sheridan, Wesh Hicham, Wesh Adeline. On trop d'avance, on trop de rage. Nique le rapture. J'espère qu'elles sont prêtes, car on vient prendre nos yeux. C'est qu'il faut tous les crosser, on fera son kiffé. Les négros ont trop d'avance, on trop de rage. Nique le rapture. Salam, là c'est démo le stremo. J'ai tout le contraire de très sombre. Je rappe pas pour ta soeur négro, mais pour ce papier que je consomme. Un petit tour sans Beris, à bord du vaisseau de la G. A Famas, une machette dans le coffre pour décourager ta frime. J'ai tasé tes couilles pour 30 euros, je me sens pas ridicule. Investis pas sur moi, t'y gagnes à rien comme l'équipe déçu. Qu'est-ce que je m'en contrefiche qu'ils pensent que je lâche des pics sur leur gueule. Et je peux pas me perdre d'ennemis dans ce peur à personne, meurt, c'est du buzz. Ils sont sans gueule, on est MDR, se bouffons presque par la détente. C'est pas que je suis fier, mais quand je vendais de la drogue, c'était un putain de passe-temps. Ne fais pas de moi ton exemple, tu deviendras cola, c'est sûr. C'était la haine, donc m'en veux pas si j'ai racketé ta ceinture. Je vous rappelle, sur Facebook, MZ officiel. Pour mes tutos, MZ Group, sur mes Instagram, MZ Group encore. Wesh, quoi de neuf, la famille connaît, la famille Sanya, c'est je chez pas. Soutenez, soutenez les supporters. Maman, tu m'écoutes? Le king de Boulby. Moi-même, Evin. Les bras des Kinox, les flottes de Zoxy, hallucinés. MZ Abyss, on ne présente qu'à des basics. C'est un film d'horreur appelé Halluciné. Halluciné, quand qu'ils allaient piner, nous allons rappeler dans la cave. Pour le même 3 affiné, vous allez taper dans la gaga. Car nous, voyez-vous, on a la hargne partout où on passe, on le fera savoir. Je m'as dit qu'on allait tout arracher, ok. Je vais me faire savoir. Alléluia. Digne la foi, divine la fin. Bonne est la vie, mes enfants. Qui vous a dit qu'on arrêterait comme Kadhafi? On se battra jusqu'à la fin. On peut commencer chaud vu que tout le monde est là. Tout le monde est là. Il commence chaud en flow au Modena. Au Modena. Tout le monde par surprise comme la Mondaine. Mondaine. Communique avec des signes à peine ou Mandela. Mandela. Mandela. Mandela. Mandela. Mandela. Communique avec des signes à peine ou Mandela. Mandela. Mandela. Mandela. Mandela. Nelson. Commence chaud vu que tout le monde est là. J'espère qu'ils sont prêts car on vient prendre nos yébis. Mais il faut tous les crosser, on fera son kiffé. Yeah. Les négros. Arrobas MZ Group sur Twitter. Wesh la team MZ. Nique le rap, je. MZ officiel sur Facebook. On vous attend, IHP. MZ Music volume 3 partout en France. Dans les bars sur iTunes. Et le volume 2 aussi. C'est du très très bon, les amis. Je. Yeah. Wesh Davidson, c'est comment? Oh chichon. Aïe aïe aïe. Freddy il aime ça hein. Oh Renaud. Buzz là bio. Nique le rap jeu. Le morceau s'appelle Nique le rap jeu. Il est sur MZ Music volume 3 avec la MZ des Zoxy qui est là aussi avec Danny Dan, avec Melo Philo. Les sages poètes de la rue qui sont là sur Skyrock entre 20h et 21h ce soir dans le Planète Rap consacré à la MZ. Dans un instant, il y aura un titre. J'aime bien parce qu'en fait c'est devenu un débit de boisson ici en fait. Oh, voilà. Hey, c'était PLS, c'est le Sex on the Beach. 29 avenue du 4 septembre, métro Opérin. 29 rue du 4 septembre. moi. Pas venu. 29 rue du 4 septembre, c'est eux qui nous ont mis bien ce soir. Hein. Ouais. C'est le bar qui est venu à domicile direct. J'espère que vous aussi, vous êtes bien dignois à la maison avec le hashtag MZ sur Skyrock, dans la voiture, en train de nous écouter un peu partout. Le son de Skyrock va évidemment continuer avec du live dans un instant. Ouais. On peut parler d'un truc. Vas-y. Le prochain clip qui va sortir là vendredi. Ah, c'est demain. Ouais, demain à 21h10, juste après l'émission. Il y a le prochain clip de la MZ qui sort et qui s'intitule Walter White. Pour ceux qui connaissent la série Breaking Bad, sauf que nous c'est Breaking Dab. En fait, ouais, c'est un nouveau truc qu'on ramène, une nouvelle drogue, tu vois. C'est pour tous ceux qui consomment de la weed en fait. C'est de la huile qu'on presse. Je sais pas ce que c'est. En huile. De l'essence c'est de cannabis. C'est pas une nouvelle drogue, c'est une nouvelle mode, il voulait dire. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça vient de Californie, en fait. Je connais que l'huile d'olive, le reste, je connais pas. Ah, ben tu vas connaître demain. Très bien, ben j'attends de découvrir, me préparer une petite salade. C'est Benny Bla, 420 Workshop. Avec la vinaigrette qui va bien. Toujours habillé en Benny Bla, de la tête aux pieds. Et Fred, juste, je peux me permettre. Vas-y, vas-y. Tu fais toujours une question, en fait, depuis le début de la semaine. Oui. Voilà. Et est-ce que tu veux une question pour ce soir? Moi j'aimerais bien en poser une. En fait. Ah bah alors vas-y. Pour tous ceux qui suivent la MZ, donc ceux Twitter, qui sont ils sont nombreux, Twitter, Facebook, etc. Vous voulez. Quel est le titre qui ne figure pas sur le volume 2 et le volume 3? Le titre le plus censuré de la MZ sur YouTube. Donc ça faut bien connaître. Ouais. Voilà. Là c'est une vraie question. Alors attention, quel est le titre qui ne figure ni sur le volume 2 ni sur le volume 3? Voilà. De l'MZ, mais qui est dispo sur le net. Mais qui est le plus censuré. Michael Jackson. Il y a eu un acharnement carrément sur ce titre. Et je sais que toi, t'as été visionnaire là-dessus parce que tu l'as joué dans la nocturne. Mm-hmm. C'est vrai. Voilà. Donc, mais je ne vais pas dire le titre tout de suite. Voilà. Merci. Allez-y, balancez. c'est parti. 41759 avec le hashtag MZ sur Skyrock. La bonne réponse repart MZ avec l'album. MZ sur Skyrock avec le titre, s'il vous plaît. L'album dédicacé. L'album dédicacé. Tiens, c'est celui-ci, je crois, regarde. Ça arrive. Il y en a deux qui ont pas voilà. Raison. On a Katia, on parlait de Clermont-Ferrand tout à l'heure. Nino, qui est rappeur à Clermont-Ferrand. Allô, Nino. Dédicace à Nino. Comment ça va, Nino? Ouais, c'est encore. Ça va quoi, Nino? Ouais, je coule ou quoi, Nino? Nino ou Nino Brown? Nino. Nino Brown, Nino. Ouais. Nino Brown. La cité Carter. Hein. Prêt à rapper, Nino? Ouais, je suis prêt. Et bah, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Vas-y. Pendant que les messages défilent avec la bonne réponse, hein, beaucoup de bonnes réponses. Ah, N-I-N-O. S-P-T. Ok. Ok. Dédicace à tous mes gars. S-P-T. Ok. Ok. Ça fait. Je porte le fardeau trop soucié, vagabonde dans les rues, elles sont percées par les chiens de la police, lumière dissimulée dans la paix, mon j'ai écrit des proches en corporation, facilement je n'ai pas musique, ça tire dessus pour quelques pigeons, matin et soir, faut faire mon officier, j'ai connu la galère, demande de refrain, et même des jours, on ne sait même pas, tellement de mal à quand je me boiter, et vite couché, tu ne connais même pas, je veux être partout comme les habits, j'arrive pas, patata, j'ai une bourre bientôt, NN, peut-être ta fiche, je te mets d'accord, frise à l'étudio, c'est pas comme le game, comme si t'en t'es RS 450, et si le type peut tomber sur les terres, qui t'apprendra quand tu seras dans la France, dans la avec un grave du chip, enlever tous ces putains de guitare au cas. Si tu prends droit à MG pour fermer l'air, ni pour le coca, ton cœur, c'est qu'il n'en balance pas. Si sinon, 3-5, c'est dans sa boca. Demande à mes bouches, un poisson, écrasement, c'est pas possible, c'est de là. Là, on va passer des pas, que je répète la tête, c'est SPT, ça reste de ça, je suis TT. Rentre dans le bois, tu veux la TT. Entre les chats qui touchent la tête, et les filles qui veulent la flèche, me dire un idée, j'espère. Normal, tu perds la tête, tu quittes la ville, c'est la MIFA. Ça rôde en police, ça me sort sans m'y faire, ça me fait ce qu'il reste à dire, il y a un MBRK. N-I-N-O, de Clermont. Vas-y, vas-y. Je crois que tu as à tous les gars, ton boule, HKN, raconte mes bouches. Et si vous oubliez, vous pierre à dédié. C'est une grosse dédicace au rappeur de Marseille. Comment ça s'appelle Nord. C'est une dédicace à Nord qui me soutient. N-O-R, ouais, qu'on salue. Et c'est une grosse dédicace au lycée en bois de Brugière de Clermont-Ferrand, au lycée Paul Constant. C'est une grosse dédicace à toute ma famille là-bas qui sûr qu'ils m'écoutent et tout. Et c'est une grosse dédicace à mon père aussi, au magasin Swag Streetwear. Voilà. Et allez checker ma page NINO, c'est une grosse dédicace à Nora Music aussi. Merci à toi. Ah, ça y est, on a perdu Nino. Merci à lui, en tout cas, de Clermont-Ferrand à l'instant. Voilà. Nino en freestyle, qu'est-ce qu'on fait? On attaque avec le live maintenant ou... Quand on est prêt, quand tu veux. Vous voulez mettre un autre morceau juste avant? On met Bratatata. Bratatata. C'était le choix des auditeurs. Ouais, c'était le choix très important. C'est en effet un morceau qui a été demandé. On l'a mis en début de semaine. On va le remettre maintenant. Il y a le clip. Le clip extrait est dispo. En attendant un nouveau clip de l'MZ demain. Il arrive demain. Demain à 21h10. Walter White. Juste après Planet Rap. Restez branchés. Et là voici Bratatata. @MZ Group sur Twitter, MZ officiel sur Facebook, c'est Bratatata. Avec Auto Black, il nique sa mère Miami. Les bleus c'est les méchants, nous c'est les gentils. Qui veut du touchy? Moi je suis pas trop belle, plutôt Mariama, aka Mimi. Je me souviens pas quand je les manmise. Je les oublie quand elle m'appelle mon mari. Wesh les gars, va dites c'est quoi le boulot? Medjula, Medjula, mon dingue et poulou. Les MC sont forts, n'y crois pas, c'est des lol. Négro, ferme tes fesses, tu sers qu'à galoche. J'ai la dégaine dans quel kiffe le bonbon. Shoot dans les couilles de ce con Cupidon. Balance les tétés qu'on se tire sur Pluton. Mais jamais j'aurai le même bon que ton tonton. Vous faites une pétasse, pas sale, ouais, chico, je te cache pas. Les VG Bochon, la putain de maison. Les plats dans les locaux du comico. Et pas la boum, chante de mes chicons. Allez, niquez vos mères, vous êtes même pas beau. Même pas bon, vous allez sauter comme Laurent Gbagbo. Oh, up, si le meilleur avec trop de défauts. Là, c'est volume 3, Bonobo. DHMO, oh. Oh, à vous le respect de mon essayo. Balance pas la famille comme Dio Jello. Chante des échos quand je décroche mon bigot. Oh, oh. Puis je balance pour que tu m'as vers le haut. Prenez position, je parle à tous mes négros. Et comme ce gros larme de l'océan, la rose. Et je me suis porté. Ça se passe sur Twitter ou quoi? Vous êtes sur Skyrock. Une nouvelle mixtape te renvoie sur le banc de douche. HP. En dope de 4 necks et tout le rap game. Prends-moi close et prends n'importe quel bleu louche. T'as mis des rock-cats et wanted gris tous les feux. Bolos, indique plein de clichés. J'ai ce que j'ai à faire, ce que tu penses, rentable. J'ai dessous à prendre, s'il te plaît, fais pas chier. Boss rap de merde, y'a pas d'amitié. On est baisse, demande ton amitié. Touche à la bif, on a plus l'âge de jouer. On t'envoie à l'âge, t'as fait sans pitié. MZ de musique, volume 3, je suis bouillant dans le magma. Tu bête, bête, flow, je vois les mêmes clics de volume de leur affaire sortir la date. Bah, PG, chevalerie, sache pas. Ton rappeur préféré va se faire slagma. Ils sont pas prêts pour le dogma. Pour l'instant, on leur met des petits coups de krakma. Oh. A vous le respect de mon essayo. Balance pas la famille comme Dio Jello. Wapi mouche. J'ai coucou quand j'décroche mon bigot. Oh, oh. Mais j'balance pour que du mal à le haut. Prenez position, j'parle à tous mes négros. Et comme ce gros larme de l'océan, la rose. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr C'est ton evento. Il nous regarde haut. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité l'escalier. Donc à bientôt. Sous le son de nos voix. Et dis-moi ce que tu vois. On est quatre comme les quatre saisons. Dans le rap on vient faire la météo. Alléluia. Quatre hommes, les points cardinaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Notre voix se propage dans les ghettos. Alléluia. Quatre négro, quatre. Puis de boule dans la sono, béton dans la chauve. Vous nous boutons pas à bibi. David Zone dans le bise à la digi. Yok, Pololo et Kébigi. Bitch, allume ses pédas, c'est un qui ferait toi ma bibi. T'es pas la vida au débit. J'suis défoncé comme au Dibi. C'est à notre tour de briller de mono king de Boulbi. Nique le rap game. Nique la relève. Pour plus à tout et Kélias. Des déclarations d'air, j'ai connu. Par la vida au débit, je suis défoncé comme au Dibi. C'est à nos tours de briller comme au docking de Boulbi. Oh, oh, un peu le respect de mon Ezeyo. Balance pas la famille comme Piangelo. Chante des échos quand je décroche mon bigot. Oh, oh, mais je balance pour que du mal vers le haut. Prenez position, je parle à tous mes négros. Et comme ce gros large de l'océan, la route. MZ Group sur Twitter. Sur Instagram, MZ Group, MZ Officiel sur Facebook. Rejoignez-nous. Gros big up en poteau du 9-1 que j'ai croisé tout à l'heure quand je me garais. Wesh Dooms, ça dit quoi? Wesh HPA, c'est comment? Maybach Boy. Lias, 13, c'est bien. Rennes, Lyon, Toulouse. partout en France. Marseille. La MZ avec ce morceau qui s'appelle Bratatata. Ouais. Bratatata. À l'instant, MZ Musique Volume 3 est dans les bacs. Et tout à l'heure, Zoxy a posé une question. Juste avant le morceau, il y a eu des centaines de bonnes réponses. L'un ou l'une d'entre vous va repartir. Mais ça, c'est Nabil de Paris qui va repartir avec son album dédicacé. Alors, vous donnez la réponse. La question était, quel est le son le plus censuré de la MZ qui est uniquement dispo sur Internet? Lady Gaga. Lady Gaga. Parce que c'est vrai que vous avez des noms pour tout, en fait. Ouais, on a un nom pour tout. Lady Gaga, qui est? Qui est... La C. La cocaïne. La cocaïne. C'est cocaïne, ouais. Lady Gaga, elle est blanche, la coque, elle est blanche. Voilà, et pour... C'est une métaphore, en fait. Ouais, c'est une métaphore. Et pourquoi tu disais le plus censuré, Zoxy, tout à l'heure, ce morceau? Parce qu'en fait, c'est un morceau qui a été censuré déjà une première fois sur YouTube, je crois. Enfin, ils vont m'expliquer par rapport au nom, ouais. Je crois. Ah, Lady Gaga, ok, ouais. Donc dès qu'il y a un truc Lady Gaga qui arrive... expliqué parce que c'est lui qui a mené la guerre avec les monstres. Face à Lady Gaga, Davidson, bravo. En fait, on a balancé le son qui s'appelle Lady Gaga, qui est une métaphore avec la cocaïne, la blanche. Et dès que le son a été diffusé, les Little Monsters, qu'on appelle les fans de Lady Gaga, ont commencé à mener une guerre. Ah oui, ils ont dû être énervés. Le show des Little Monsters du Portugal, des Little Monsters de France, des Little Monsters de Hollande, ce que tu veux. International. Ils ont signalé la vidéo et ça a été boycotté. Et ça, c'était un clash hein, sur Internet entre la Team MZ et les Little Monsters. C'était chaud. J'ai reçu des menaces de mort. Ah mais ils sont chauds ouais, les Little Monsters. Ce qui est marrant, c'est que, comme tu disais... Enfin, ils sont chauds derrière l'ordi. Hein. Ça a été signalé. On a été censuré, la vidéo a été enlevée et Davidson il a reposté derrière. Tu vois ce que je veux dire, ça a été en plus, ce qu'il faut quand même dire, c'est pas une apologie de la cocaïne quand t'écoutes le morceau, non, c'est pas du tout ça quoi. C'est pas. C'est le son le plus conscient de la MZ, je crois. Jamais. Enfin, je sais pas si c'est le plus conscient, mais c'est. Il y a aussi autour de moi, il ouais. Y a aussi en bas. Il y a quand même d'autres morceaux. C'est juste pour dire qu'en fait, MZ aussi, ils font pas mal de titres freestyle, etc., mais aussi des titres qui parlent aux jeunes de leur époque. Et il faut dire ce qu'il y a là, c'est aujourd'hui, ça fait partie de... Malheureusement, ouais. Voilà, il y en a qui prennent ça très tôt, etc. Donc voilà, ils ont voulu faire un morceau là-dessus pour sensibiliser aussi les jeunes. Ouais, et c'est ce que je disais, quand tu écoutes le morceau, c'est vraiment pas l'apologie, puisque voilà, vous dénoncez même plutôt les effets, et surtout les effets secondaires que peut avoir évidemment cette drogue, que l'on déconseille à tout le monde, ouais. Une fois de plus. On va passer au live maintenant. Ouais. Tout le monde est prêt? Ouais. Toujours prêt. C'est parti. Loulo, écoute ça. Ok, MZ sur Skyrock. Hugo pas Daniel. Equinox à la prod. Melo et Zox, c'est que Slim et Birdman, qui a des basics, fait de la cash money. David se présente, genre le biz à la young money. Pololo et que Wizzy Baby. Oui, ma clique, et no limit, tu body, je veux le beef à Master P. Je veux les mêmes armes de l'Est, les chiennes et les chaînes en or de Mister T. Je veux être dans ce game comme Kobe et dans la NBA. Je veux tous les baisers, ramasser tout plein de trophées, plein de billets. Je veux la femme de Jay-Z, la pute de Kenny et l'ex de Breezy. Je veux rouler dans ma vie dans une caisse pimpée par ex du Dizzy. Mais je peux le flow de personne, ces bâtards sont des houlots. Ces mêmes houlots qui boivent le sperme au goulot. J'ai des tenues sexy, un point de rue, joke est un mat pour l'MC, j'ai du boulot. Wesh, mes pélos, wesh, mes poulots. J'ai tellement de flow que je peux rapper la tête sous l'eau. Wesh, mes salopes, wesh, mes salauds. Bite de boulet dans la putain de solo. MZ, Marlo, Bino. C'est des houlots. Sage Pro, Jesse Jess. On a cramé des houlots. Allez, Bézi, Davidson. Avec Kinox. Ces bâtards de houlots. Textuel, gestuel, sexuel. Les biftons ou le placard, trop d'état en couple, changé comme des 4-4. Allez péter mon scud, fais pas les crevards. Mais ouais, mon os, si je veux mon 4-4. Un nouveau délire, ton pis, si tu captes pas. On dit t'achètes que sort un rapport sur ta tarte pas. 2-3 petites coups de carte, on voit et on verra, parce que ta meuf n'écarte pas. Vrai négro dans l'attitude, on change pas, on garde les mêmes habitudes. Amusé de musique dans les bacs, dans les caisses, dans les boîtes, dans les tests et même sur le bitch. Moi j'ai Kinox, c'est quoi le boulot? Ramène les preuves, on les chicote, mal. Le jour où je bégaye devant ton artiste de merde, mais pour le rôle, les mêmes chicote, moi. T'essayes de rapper comme nous, rapper comme nous, est-ce que t'es comme nous? Ouais. Mon profil, à qui tu veux? Je te trouvais pas même pas lourd. Vos clashs ne sont même pas lourds. J'ai vu personne se frayer deux. Pour les mecs comme nous qui cherchent l'oseille, à celui qui va taper, à celui en bas des tours. Quoi, HP, non, Abidjan, Chicago, Atlanta, NIC, Romain, Migos, Chief Kif, MZ. C'est bâtard. Sexuel, gestuel, sexuel. Mais sont les houlous. Un nouveau style, des nouvelles faces, des vrais rappeurs. Fais pas blague, tu connais pas. Des pâles copies, t'es pas de copine, t'es manitomie. La vie de maman, que c'est des faux gangsters. Gestuel, sexuel, qu'est-ce que vous faites? Ray, vous n'assurez plus sexuel. Tu es Hanna, BDK. Aux œufs, poteau, je me tape des barres, tu veux déjà me niquer. Mais venez de classiquer. Au lieu de copier le bang bang, flon constipé. Ou sinon, parlons d'oseille. Je te prête un bout de flow, mon ami. Mais dis-toi que si tu casses, tu payes. Arrêtez d'envier, bande de mauviettes. Faites du papier, le monde est mauvais. Le monde des merveilles se trouve dans ma poche. Un grec qui souvent partir d'un billet pleurer. Zarbi, Zarbi, t'envie de tout baiser. L'envie de la baiser, pour m'apaiser. Plutôt peser, donc faut poser. Bosser, bosser, on arrive vous baiser. De la chameau, niggis. Ah, c'est des houlots. Eh ouais. On a cramé ces houlots. Tous ces bâtards de houlots. Ah, les chiens. Crabes sont les houlots. Mitraillettes. Bang bang flow, bratata. Ah, c'est des houleux. Des lunes de fiel, fuck. On a cramé ces houleux. HP, démo, joker. C'est bâtard de houleux. Textuel, gestuel, c'est sexuel. C'est des houleux. Dédicace à Cool Chain, Zoxy, les sages pour, on est là, ma gueule. Houleux à l'instant. Houleux. Zoxy, j'étais limite senti chaud à rapper dessus, quoi. Il est terrible le son, il défonce, MZ il déchire. Tu veux pas lâcher un petit truc avec Danny Dan, avec Melo Philo? On n'a pas prévu. Bah, comme vous voulez, hein, c'était juste une proposition. Oui, mais on n'a pas prévu. Danny, mais... Danny, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, non, mais on remet cet instru, ça te va cet instru? Ah, tiens, prends un casque. Parce que là, on avait la version MZ. Peut-être qu'on peut avoir la version Sage-Po, puisqu'ils sont là, autant en profiter. Un petit truc, hein, pas besoin de refaire tout le morceau, mais. Un petit truc. Danny Dan, prêt? Petit truc. Vas-y, vas-y, mets le son. Allez, allez, on met le son, on verra bien ce qui va se passer. Yo, yo, yo, MZ, yo, à la régulière, Panam. On verra bien ce qui va sortir. On verra bien ce qui va sortir de mon cerveau, négro. Okay. Yo, hey, yo, hey, yo. T, P, T, F, tel père, tel fils. T, P, T, Def, M, C, I, X. Gilles. Moi, c'est Mozo et Z. Okay. Ma, T, Z, M, K, C, D, Schneck, M, F, S, La, bite, X, baisse. La, vie, c'est pour tirer ou prendre des billets. Tu peux retourner ta pinaise au bas de Boubou Doudou. Car le compte y est. Hier, j'étais une resta. Aujourd'hui, je le suis encore. Demain, ce sera la même. Gilles. Si je bute un fils de pute, même si j'aime bien que la haine supprime par la haine. On a les mêmes vis. Les chaînes et le rap de Memphis. Ceux qui ne s'abonnent pas à nos chaînes YouTube, clip nous fait que bah on met bliss. Red list. Parce qu'à ton âge fils, nous on foutait la merde. White Street Poet, Kumina Amendi, John Gotti, Murder. Attention aux meufs et à l'alcool. L'alcool. Au mauvais chemin, si tu check la bonne. Mauvais garçon, tu retournes dans la drogue. Dans la drogue. Les tentations, ils t'auront à la drogue. Je m'appelle Daniel, Lakwe, Gaïre, ma Igor. J'écris sur le mur pop. En temps, c'est vous, Winsor. Je m'appelle aussi mon prince. Quand je négocie mes potes, m'appelle Game, j'aime pas les potes de Chris Cross. On nomme aussi le drôle de Frelo. Naturellement, je parle à. C'est le démon. C'est comme ça que ça passe, le carotte. On fait comme ça, les. Prends la MZ, Negis. Ouais, on a cramé ces houlots. C'est bâtard de houlots. Arrêtez de copier, bande de houlots. C'est bâtard de houlots. C'est simplement pour Skyrock, la MZ et Sage-Po. Sous ces houlots. Les mêmes textuels, les mêmes. Voilà. Rosé du Kasachi, Show Mike, Marlo, Mallory, Davidson, le collectif. Davidson. Zaina, Vainigiz, Albor. Et ben voilà, un petit coup de live qui fait plaisir à l'instant. MZ, Sage Poète de la rue avec Zoxy, Danny Dan, Melo Philo qui était là en renfort derrière. Voilà. Et DJ Kass, Ailies, le fils de Toufi. Et ben merci à vous, juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette et ton DVD Hunger Games. Salut Emily de Rennes. Oui, bonsoir. Ça va bien, Emily? En pleine forme? Bonjour aux invités, oui, très bien, merci. Bah écoute, bienvenue. Et vous, ça dans va le Planète Rap de la MZ avec nous tous les soirs de la semaine. Prête à faire tourner, Emily? Prête à fond. Et ben on y va. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Avec une jolie chorale. Oui. Y a qui avec toi, Emily? Il y a ma sœur et ma nièce de 4 ans et ma belle-sœur. Et bah bientôt, il y a Hunger Games, l'embrasement, le film qui arrive à la maison. C'est le DVD, on t'envoie ça rapidement, Emily, du côté de Rennes. Wouh, merci beaucoup, merci à vous. Passe une bonne soirée, on te fait plein de bisous. Merci, moi aussi, gros bisous. Ciao, Emily, merci à la MZ, merci aux sages poètes. Merci à toi, frère. Vous allez revenir peut-être demain. En tout cas, Denis Dan, je sais pas si tu repasseras, mais il y aura certainement Mélo Philo Zoxy pour la dernière demain soir. On sera là, on sera là. Ouais. KDB Zik qui supporte évidemment et plus que supporté puisque vous faites partie de l'aventure maintenant de la MZ. Hein. Ouais, exactement, c'est une famille comme on t'a dit la dernière fois. Qu'est-ce que vous pouvez leur souhaiter à ces petits gars Ben, c'est simple, tu vois, regarde. Les MZ, c'est comme nos enfants. Donc qu'est-ce que tu peux souhaiter à tes enfants? Le meilleur. Voilà, t'as répondu à ma place. Je tiens à souligner, Zoxy, c'est mon père. Voilà. Ah. C'est une exclu, c'est vrai que les gens ne le savent pas. Tu sais que t'as une exclu. Zoxy est le père de Joker. Yo, Dan, c'est l'oncle. Tonton Dan et tonton Mélophilo. Tu sais, le titre qu'on a fait là, le lyrique que j'ai balancé, c'est un titre que j'ai fait. T'es père, t'es fils? Ouais, TPTF. Fais un petit couplet vite fait, Melvin. Un petit couplet. Vite fait. S'il te plaît. Attends. Acapella, on le fait acapella. Acapella. Acapella. Acapella. Ouais. Attends. Et demain, je le fais. Demain, je le fais. Demain. Vas-y, demain, soyez demain, là. Parce que demain, le couplet de tel père, tel fils. C'est un titre. Énorme. C'est une prod d'Equinox. C'est très, très bon. Très bien. Bah, merci. D'ailleurs, c'était une prod d'Equinox, là, ce soir aussi. Le Woulot. Voilà. Titre inédit. Merci pour ce morceau inédit que vous avez fait en live à l'instant. Et qu'on pourra retrouver sur skyrock.fm dans quelques minutes, Momo. Rendez-vous pour Walter White. Hein. Demain, rendez-vous le clip et puis surtout rendez-vous juste avant 20h pour le Planète Rap. Merci à la MZ, merci à Davidson qui était là. Ouais, voilà. Merci au Sachepo. Team MZ. Merci à tous ceux qui sont là aussi dans la place. Et on va retrouver D-Fool maintenant et toute l'équipe, c'est l'heure de la radio libre. Allez, oui, Fredo. Oh. Surprise. Surprise. Mais elle est par téléphone. On a profité du soleil jusqu'au bout, mais on est juste en bas de la radio, on arrive. D'accord, mais je me disais, oui, tu es par téléphone. Là, ouais, ils sont. Il était en terrasse, du full tranquille. Du full, ouais, en terrasse, on était peut-être avec la Marie, des tonneaux de bière. C'est l'apéro. Marie, tu sais qu'AMZ, ils auraient grave kiffé de te voir. Honnêtement. Ouais, ouais. Dans ton émission, je te jure, c'est vrai. Mettez-vous dans le couloir, elle va arriver là, attrapez-la. Non, mais. Il y a moyen ou pas? Non, non, non, on ne touche pas, attention. Il y a un barrage, quoi. On regarde, mais on ne touche pas. On te ramène à Chevaleret, il n'y a que des beaux gosses. Ah bah tu veux pas faire un tour à Chevaleret ce soir, Marie? Ça va. Un petit tour, Marie. Un petit tour, ça va être sympa, le 13e arrondissement, Chevaleret, tout tranquille. Une petite lune de fiel, allez, Marie, allez. Le programme, allez, c'est fini. Je vois Cédric qui est aussi en bas de la radio, d'après le soleil jusqu'au bout, du Planète Rap aussi. Ah bah il doit être bon bronzé. Et demain, on est de retour. Ouais. Il y a Cédric dans la caméra. au passage, moi j'ai vu. Au passage, c'est HP là. Ouais. Alors on est à la MZ là. Je vais passer une grosse dédicace à IFM et à des éducateurs qui nous suivent depuis qu'on est petit. Ils ont fait des sorties. Et ben une grosse dédicace à eux. Voilà, ils sont dans les locaux. Voilà. Ben une grosse dédicace, ils sont là derrière, ils sont là, ils font des grands signes. Merci à vous. Et ça va, c'est réussi. Ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, merci, on va retrouver la radio libre. C'est parti, coup d'envoi. Bah voilà, il a raccroché. Peut-être jingle. J'envoie les pubs, Fred. Ok, et 01 53 40 30 20 pour passer à l'antenne. Vas-y, yes. Samy. Ciao, gros. Ciao, gros. À toutes.